La radio Ndéragakura est une radio de par sa mission qui doit mettre un accent particulier sur l'éducation des jeunes. La jeunesse du Burundi constitue l'avenir pour ce pays, pour demain, pour après-demain. Vous devez donc mettre un accent particulier sur les actions qui puissent permettre aux jeunes de se préparer pour un avenir meilleur pour ce pays. Et pour que cela soit une réussite, vous devez mettre en place des programmes d'éducation civique, patriotique au sein de votre rédaction, pour que, effectivement, ce que vous proposez aux jeunes puisse être bénéfique pour le Burundi, puisque le Burundi compte sur cette jeunesse qui constitue d'ailleurs la majeure partie de la population burundaise pour demain, pour après-demain. J'ai collaboré autant avec cette radio, radio scolaire de Ragakura. C'était une collaboration sans faille. Moi, j'ai parlé aux responsables au plus haut niveau, au directeur de cette station, aux responsables de la rédaction, au secrétaire de rédaction. C'était une collaboration sans faille où on leur proposait des activités à couvrir, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des descentes présidentielles ou toute autre activité de développement qui nécessite la couverture médiatique des médias en place avec la radio scolaire de Ragakura, avec d'autres médias en place. Je n'ai pas vu une quelconque hésitation, une quelconque résistance par rapport à ce qu'on leur proposait. Et nous suivions de temps en temps la réplique, c'est-à-dire la diffusion des programmes proposés, et on s'est rendu compte qu'ils répondaient vraiment positivement à cet appel.